c'est que tu cherches à Moshe. Oh, un tant d'avant non coulon. Et qu'il n'y a pas de founé. Asbeninjalo, ça coupe avec ça, c'est mnange.